exacte. Un 24 de justesse, personne pour me dicter mes actes. Quand je gratte sur un son de Ghostface, un rap tellement à l'ancienne que même mon blog sans le papyrus. Au moins 7 sens par trace, et puis les faces et des poupées russes. Encore les mêmes histoires tristes, mec, mes cahiers en sont pleins. Encore ces putes qui se disent artistes, encore cet homme qui attend son pain. Encore un monde où l'argent fait le bonheur, où les gens vont aux contrôleurs et aux agents des bras d'honneur, c'est affolant. Violeur versus collant, affriolant, frôlant, des mecs ivres volant, les valeurs volent en éclats violents. Le vice sur la vertu prend le pas, le pointage à son industrie. Comme un veux-tu que du trou se branle pas, que le collège rime avec G-string. Encore des groupes prêts à tout pour accéder à la célébrité. À se faire gonfler la perte à tout pour être comme Axel et Britney. Encore des massacres, encore, encore des morts civiles. Encore! Comment peut-on être aussi vil? Le sous-sol nous malmène. Même les plus gros éléphants tremblent quand les bouches et les Ben Laden se voient et jouent au golf ensemble. Encore un jour sans lendemain pour les deux tiers de la planète. Et la thune reste entre les mains du bâtard qui tient les manettes. Je sais même pas pourquoi je dis tout ça, vu que c'est toujours la même chose. Des pays qui ont déjà pas tant de sous que ça se prennent la piqûre à pleine dose. Je sonne l'alarme à ces drames, y'a pas d'âme étanche. Mon style pleure des larmes bleues que la terre meurt à l'arme blanche. Un orage dans le crâne m'empêche de te parler des jolies choses. J'attends une éclaircie dans le ciel pour faire la rime qui vaut 10 roses. Pour l'instant c'est encore et encore les mêmes idées noires qui salissent la feuille de rime austère. À croire que même l'encrier foire là où la pauvreté se transmet via le cordon ombilical. Qui a dit qu'on irait tous au paradis fiscal? C'est sinistre, faut s'y faire, la politique n'est faite que de blabla. Des ministres qui vont s'y faire choquer parce que je rabla. La vache a une tasse de moins depuis qu'elle est revenue de Londres. Le FN gagne du terrain, le borgne est devenu blonde. Le faciès reste une contrainte. Des videurs jusqu'au Schmitt, y'a trop de boîtes et de comicos qui s'en citent l'air plus qu'Auschwitz. Y'a encore trop d'idées reçues, trop de clichés qui font du tort. Trop de rappeurs sans texte, ma mère ils me sortent du fond du cœur. Encore une France qui part en couille au grand bonheur de l'acte droit. Encore, encore la faute au 9-3. Encore des hommes qui répètent toutes les erreurs qu'on puisse commettre. Les enfants afghans et texans se détestent sans avoir pu se connaître. Encore la couche de zone qui se coupe, du coup y'a de moins en moins de futur. Deuxième effet qui se coule dans la terre contre ses points de suture. Encore, encore, génération toujours plus. Mais à trop jouer avec le temps, maintenant il pleut des Airbus. Encore un morceau de plus qui va pas changer les choses. En attendant d'aller par la racine manger les roses.